comment tu bouges, fais-moi voir comment tu danses. Parle avec moi de minuit, je te dirai comment tu penses. Y'a de l'alcool, je te fais boire, si t'es chaud, fais-moi voir. Ma bouche va du caber, je préfère être qu'à boire. Dans les poches, 3-4 voir et quelques pointas. J'ai ce qu'il faut dans le calvar, les yukou le bouge pas. Ce soir, c'est champagne, sky, gin et vodka. Soirée de malade, je m'en de garder votre calme. Mes photos naviguent dans l'ivresse. Ils se retrouvent noyés dans la tristesse. Ce que tu poses sur la monnaie, quand tu plus personne te reconnaît. Fais-moi rêver, fais-moi voler. Faut que je m'inspire, fais-moi zoner. Fais-moi voir ton amour, si tu m'aimes, me le dis pas, vas-y, prouve-moi le. Fais-moi voir toute ta haine, tout ce que t'as dans le cœur, sans que tu vas mal. Fais-moi voir ce que t'as vu. Je te ferai vivre ce que je vois. C'est pas la faute.